la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent, la mer des reflets changeant sous la pluie. Au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur, infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a versés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour, la mer. La mer les a versés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour, la mer.